l'harmonie entre la vie et la mort serait rompue. Et la nature proteste, non point par bonté, car elle ignore la bonté, mais par nécessité. Et elle dit à l'homme, tu n'iras pas plus loin dans la mort, car il faut que je triomphe au-dessus de tes épouvantes, et que je resplendisse toujours dans la lumière éternelle. Savez-vous pourquoi cette foule, de qui l'attitude vous étonne, cette foule prête à toutes les extravagances, à tous les emballements, reste calme dans son ivresse et pacifique dans ses hurlements? C'est qu'elle obéit inconsciemment aux influences de cette force mystérieuse dont un Pasteur ou un Berthelot nous diront, peut-être un jour, les lois naturelles, et qu'ils appliqueront peut-être au bonheur raisonné de l'humanité. Dans la rue, la foule, encore accrue, roulait ses flots humains, battait les murs de ses vagues déferlantes et redoublait. On n'entendait qu'un sourd grondement, un grondement de mer s'engouffrant dans les cavernes des falaises, et par-dessus ce bruit énorme, où toutes les voix confondues ne faisaient plus que formidables et monotones souffles d'orage, nous distinguions de temps en temps ces cris « Vive la Russie! Vive la France !» auxquels répondaient des voix plus grêles, chantant et scandant le refrain connu « Ah, la peau! La peau !» L'écho de Paris, 24 octobre 1893.